Valérie Levé au microphone de Futur Simple sur CKRL 89.1 et nous allons finir l'émission en mode cuisson. Non pas le mode cuisson de votre four, mais le mode cuisson de nos lointains ancêtres préhistoriques. Et c'est le sujet de Marie-Claude Dion, notre spécialiste de l'archéologie. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Valérie. Alors oui, ce soir, parlons de cuisine. Je déroge un peu de l'amour, hein, qui est un peu une thématique ce soir. Mais on va parler de cuisine et je ne parlerai pas de n'importe quelle méthode de cuisson, mais bien la cuisson par ébullition. Ce qui suppose qu'on met quelque chose dans de l'eau, et qu'on fait cuire en faisant bouillir l'eau autour. Exactement. Ouais, okay. Et la question, c'est est-il possible de voir dans les assemblages archéologiques des traces de ce type de cuisson-là? Mmh. La question est assez valable. A priori, bouillir un morceau de viande ou des légumes ne devrait pas laisser des traces particulière. Et c'est cette question qu'un archéologue américain s'est posée, John D. Speth, pour pas le nommer. Et pour voir des traces archéologiques, ben c'est quand même assez bien de savoir où regarder, de voir peut-être plutôt de savoir circonscrire un peu les recherches pour pas qu'on regarde dans n'importe quelle période de la grande histoire avec le grand H. Ça fallait au moins qu'on ait découvert le feu. Exactement. Donc, on n'a pas le choix parce qu'avec l'ébullition, tu le dis nécessairement, il faut qu'on ait la présence de feu. Et selon plusieurs chercheurs, là, qui proviennent de n'importe quel champ, de l'anthropologie et ou de l'archéologie, il n'y a pas de doute, les humains de la préhistoire ont débuté à cuire leur nourriture en même temps que l'avènement du feu. D'accord, mais alors ça reste à savoir quand est cet avènement du feu, puis ça c'est encore un sujet à débat. Ah oui, définitivement. Il reste encore beaucoup d'incertitudes parce qu'essentiellement, il est impossible pour nous de connaître le moment exact dans l'histoire où l'humain a commencé à utiliser, voire à maîtriser le feu. Et au final, la seule preuve tangible qu'on a vient de la présence de foyers ou de fours. À ce moment-là, on sait que le feu est très bien maîtrisé, mais le feu, c'est sûr qu'il a été utilisé avant. Sans la maîtrise en tant que telle. Et là, il y a certaines études qui vont parler de périodes aussitôt qu'entre 1,5 million d'années à 2 millions d'années avant avant aujourd'hui. En fait, donc on parle des Homo erectus et de la présence en Afrique là, des premiers humains. Et on le voit à travers, ou du moins on pense qu'on le voit à travers des preuves de sédiments qui ont été rougis par une grande chaleur. Une chaleur assez forte là, constitue entre 200 et 400 degrés Celsius. C'est circonscrit quelque part parce qu'un incendie pourrait rougir les sédiments, donc il faut que ce soit circonscrit quelque part, ciblé. Okay. Exactement. Et là, lorsqu'on parle d'un foyer qui est bien entretenu, là, c'est qu'on va voir plusieurs couches de charbon, plusieurs niveaux de charbon. Ah, oui. Et là, cette présence-là est attestée en Israël pour les plus anciens il y a 800 000 ans. Donc, ça fait quand même assez longtemps. Et lorsqu'on en regarde pour l'Europe occidentale, donc le territoire un peu plus à l'ouest, ben, les traces sont très rares. Et ils vont arriver, là, les foyers, en même temps que l'homme moderne, soit aux alentours de 40 000 ans. Donc, nous fait plusieurs. Ah oui, il y a eu beaucoup de générations entre-temps. Exactement. Ça laisse quand même une grande fenêtre temporelle dans laquelle les humains ont pu faire bouillir leur nourriture. Oui. Donc, on cherche où pour circonscrire les pistes de recherche? On regarde où. En fait, les archéologues pensent entre autres qu'une grande contrainte technique à la cuisson par ébullition, c'est qu'on aurait besoin d'un contenant solide pour cuire, pour mettre sur le feu. Et puis qu'il ne brûle pas, pas que ça brûle. Exactement. Et c'est la raison pourquoi la plupart des études archéologiques vont parler des débuts de la cuisson par ébullition avec l'apparition de la céramique domestique. Ouais. Donc, lorsqu'on voit apparaître des jarres, des plats et des pots. Puis là, on se situe plus tard. C'est une période, c'est le néolithique, on est à peu près à 10 000 ans avant aujourd'hui. Par contre, quand on regarde certains peuples amérindiens contemporains, on les voit capables de faire bouillir de l'eau en utilisant des matériaux périssables. Ah oui? Là, ça devient intéressant. En effet, il y a une équipe d'ethnologues américains, Harold Driver puis William Massey, qui ont noté dans les années 50 quelques groupes localisés dans le Midwest américain, près du lac Winnipeg, dont les Ojibwe, qui étaient un peuple qui utilisait l'écorce comme un sort de contenant suspendu au-dessus du feu et qui permettait de bouillir de l'eau. Ah oui? Mais là, on a une étude ethnologique qui est quand même assez ciblée. Puis on peut se dire que ça peut être un peu ténu quand même comme preuve. Est-ce qu'il y a d'autres preuves qu'un contenant dans un matériau périssable, comme le bouleau ou l'autre, qui pourrait être efficace en cuisine? On a fait des tests, en fait. Dans les années 80, il y a des études expérimentales qui ont été entreprises par Margaret Holman puis Catherine Egan, deux anthropologues, qui ont testé différentes idées à propos de la façon de faire bouillir de la sève d'érable. Ah. Et en fait, c'est pour en faire du sirop. Donc, à l'époque des Amérindiens essentiellement. Et ces études-là comparatives, expérimentales plutôt, ont comparé l'efficacité mais aussi l'efficience de trois différents types de récipients. Mm-hmm. Là, on parle d'une bouilloire en métal, des récipients en céramique et aussi des plateaux qui avaient été faits en écorce de bouleau. Et on a aussi deux façons de faire le chauffage. On a la chaleur directe et aussi indirecte, donc avec des pierres qui auraient été chauffées et qui permettraient d'être assez chaudes pour faire bouillir. On les met dans l'eau après? Non, en dessous. OK, en dessous. En dessous. Okay. Donc là, essentiellement, ce qu'il faut retenir de ces résultats des recherches, des études expérimentales, c'est que les contenants de les récipients de bouleau ont maintenu leur intégrité, parce qu'on penserait peut-être pas, quand ils étaient directement placés sur au-dessus du feu, pas directement sur le feu, mais quand même avec une petite distance. Et c'est une technique, d'ailleurs, qui demande moins de temps de chauffage, mais aussi moins de carburant pour être capable de faire bouillir l'eau. Donc, comparativement, en fait, aux autres récipients étudiés. Donc, on peut maintenant voir une possibilité là, s'ouvrir sur la technique de cuisson qui aurait été connue dès la préhistoire. Ouais, si on est capable de le faire aujourd'hui, on suppose qu'on est capable de le faire. Faire des récipients avec de l'écorce de bouleau, c'était peut-être plus facile il y a 40 000 ans qu'avec de la poterie qui n'existait pas encore. Exactement. Mais finalement, quels sont les vestiges archéologiques qui attestent de la préparation de la cuisine à cette époque? Parce que là, on se commence à avoir aucune preuve de bouleau, d'écorce de bouleau. Il n'y en a pas qui a été conservé à côté de ces foyers de feu. Et là, s'il y en a, est-ce qu'on peut vraiment prétendre qu'ils ont été utilisés pour la cuisson? Non, on ne le sait pas. Et donc, au final, il y a très peu de preuves de vestiges, en fait, qui demeurent, qui restent, mais les chercheurs ont quand même tôt fait d'en déduire que les méthodes devaient être assez simples et pas laisser beaucoup de traces, justement, parce qu'ils sont périssables. Puis on parle de bouleau, mais ça aurait pu être aussi des intestins d'animaux. Là. Ça permet d'être un contenant d'un récipient aussi. Une carapace de tortue? Exactement. Donc, encore une fois, moi, vraiment, qu'on est débrouillard, là. On est capable de faire quelque chose. C'est sûr que ça laisse moins de traces que pour rôtir quelque chose au-dessus du feu, où là, on peut avoir une trace sur l'aliment même aussi qui demeure après, qui va rester après le temps. Par contre, ce qu'on va voir sur les sites archéologiques du Paléolithique, ce sont des pierres chauffées. Et là, donc, la question, c'est comment sait-on que ces pierres ont été chauffées? Oui. Quand les pierres sont chauffées, la couleur et souvent aussi leur texture vont être altérées, puis c'est de manière reconnaissable. Donc, on sait que c'est le feu qui le fait. Et les spécificités vont dépendre de beaucoup de choses. Ça peut être la nature, la composition de la roche, là, le granit, le quartzite, le grès vont toutes réagir différemment à la chaleur. Ça peut être leur porosité, leur perméabilité, mais aussi la durée du chauffage, la température du feu sous lequel ils ont été soumis. Puis aussi le nombre de fois dans lesquelles on a utilisé des pierres pour faire chauffer de l'eau. Et en plus, ce qu'on remarque dans les changements de couleur et de texture, c'est que les roches vont se fissurer ou même se briser. Ils vont former des surfaces de fracture nettement irrégulières. Fait qu'on reconnaît aussi un signe de chauffage. Et il y a aussi plusieurs études expérimentales aujourd'hui qui peuvent corroborer en fait ce qu'on retrouve dans les vestiges archéologiques. Donc lorsqu'elles sont chauffées, on voit très bien les mêmes traces qu'on voit à l'époque. Et aussi, il y a un petit nombre d'études qui permet de voir ce qui se passe lorsque les roches chauffées vont être trempées dans l'eau froide. Fait qu'en plus, là, ça va faire d'autres différentes réactions. On peut les voir aujourd'hui, mais on peut corroborer après ça sur ce qu'on voit sur les sites archéologiques. Ça nous permet d'avoir une meilleure idée qu'il y a eu une cuisson potentielle par ébullition. C'est quand même, encore une fois, toute une enquête archéologique. Oui. Donc, on devient de plus en plus certain que cette technique de cuisson a probablement été utilisée dès la préhistoire. Cette nouveauté culinaire-là de chauffer les aliments, ça a dû apporter son lot de changements aussi dans l'alimentation des hommes, des peuples à l'époque. Oui, certainement, parce que ça ouvre des portes aussi à de la nouvelle nourriture. Des choses qu'on ne pouvait pas manger avant, maintenant on les cuit, puis ça devient comestible. Exactement. Et là, ça a joué un rôle assez transformateur dans l'évolution comportementale, mais aussi biologique des premiers Homo sapiens qui veut pas, ça augmente la gamme d'aliments de nos premiers ancêtres qui pouvaient être mangés tout en sécurité. Entre autres, on réduit, le temps nécessaire pour les marcher. Des fois aussi, ça peut être considérable et intéressant. On va désactiver, voire réduire ou même éliminer des agents pathogènes. Ça aussi, c'est quand même considérable. Puis, Au fin final, c'est l'augmentation de la digestibilité aussi là, des aliments, tant végétaux qu'animaux. Et tout ça ensemble, ces avantages-là et d'autres de la cuisson vont aussi considérablement augmenter les rendements énergétiques de la nourriture, puis aussi nutritifs des aliments qui vont être ingérés. Et je vais ajouter à tout ça, avec l'ébullition de certaines plantes, bien, on arrive à avoir la possibilité de faire des décoctions, des infusions. Ah, ben oui. Fait que là, on est proche aussi de la création des premiers remèdes médicinaux. Ah, ben oui, c'est vrai. Ça l'ouvre vraiment une belle porte. Oui, ouais, c'est vrai, ça. On en conclurait quoi, Marie-Claude? Avec tout ça, ben, malgré le peu de vestiges archéologiques présents à ce jour, si on regarde la simplicité relative de cette technique-là de cuisson et aussi la disponibilité de matériaux appropriés. On a parlé des boyaux, peut-être des intestins d'animaux, voire même peut-être humains, mais le matériau plus d'arbres aussi, qui en a en très grande quantité. Mais on peut penser que les humains du paléolithique ont utilisé la cuisson par ébullition. Il y a peu de doutes, si on veut. On ne peut pas passer outre, par contre, l'implication de cette nouvelle façon de faire la cuisine, parce qu'il s'agit, après tout, d'un grand développement, puis est assez important dans l'évolution de l'alimentation. Puis il y a aussi des traces biologiques chez l'humain. On s'aperçoit qu'il y a des changements au niveau de la mâchoire. Vu qu'elle est moins utilisée, elle va devenir plus petite. Il y a vraiment plein de changements qui ont arrivé. Et les archéologues, maintenant, ont besoin d'examiner davantage, voire même à réétudier les assemblages déjà découverts archéologiques et être plus ouverts à cette possibilité-là que ça ait déjà été, que ça existait en fait à l'époque de la préhistoire. Parce qu'on fait face, entre autres, à un gros problème de mentalité où les archéologues ont longtemps mis de côté la possibilité même de l'avoir de la cuisson par ébullition. Mm-hmm. Donc là, on a besoin de voir si on n'a pas déjà passé au travers et trouvé des preuves qu'on ne savait pas qui étaient des preuves de cuisine par ébullition. Mm-hmm. Puis ce que j'en conclue aussi, c'est que la cuisson faisait partie du régime paléo. Oui, en effet. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci.